Le soleil est tape fort, la basse vibre déjà. Les viewers chauffent, la fête commence là. Radeau qui tangue, des plans un peu foireux. Mais Ryder Scale prend le mic, prêt à faire feu. Les caisses s'ouvrent, le loup déborde partout. Les pièges claquent, les ennemis sont à genoux. La nuit approche, les feux s'allument. La musique monte, les cœurs s'allument. Je suis en slip sur la plage, pioche à la main. Un caillou, trois fibres et c'est parti pour demain. Le voisin campe tranquille, je lui pique ses noix. Rue c'est la jungle, mais moi je suis le roi. Les tourelles chantent, les pièges dansent. Un ours s'approche, je lui lance une lance, les viewers rigolent, spamant dans le chat, on raid en musique, personne nous arrête ça. Je monte ma basse comme un chef d'orchestre, chaque plan est fou, chaque combat une fête. Les nuits sont longues, les dangers nombreux, mais l'esprit est fort, le flow est heureux. Faut bouger, faut danser sous le soleil d'été, quand le russe c'est la fête, faut pas se louper. Pète sur Ryder Scale au micro, les loups tombent en pluie, on fait la brinque jusqu'au bout de la nuit. Les flammes montent, les cris résonnent fort, c'est le chaos mais on adore ce bordel dehors. Les étoiles brillent, le rythme est roi. Avec Ryder Scale, c'est la loi. J'cours dans la base, une caisse à la main. Un piège explose, les ennemis s'en vont loin. Une roquette part, le chaos éclate. Mais Ryder Scale garde le flow, jamais il ne lâche. Le serveur grésille, mais la vibe est là. Les viewers hurlent, balancent la sauce gars. On construit, on pille, on rigole à fond. Ruste en été, c'est notre chanson. Le soleil baisse, mais l'énergie reste. On affronte la nuit, on n'est jamais en reste. Les flammes dansent, les ombres s'étirent. Et dans ce chaos, nos voix inspirent. Faut bouger, faut danser sous le soleil d'été. Col russe, c'est la fête. Faut pas se louper, UBT, Ryder Scale au micro, les loups tombent en pluie. On fait la brinque jusqu'au bout de la nuit. Les flammes montent, les cris résonnent fort. C'est le chaos, mais on adore ce bordel dehors. Le feu crépite, les éclats résonnent. Et la nuit s'enflamme, le rythme frissonne. L'explosif claque, les basses s'effondrent. Les cris de victoire à travers les ondes. Je suis le roi des raids, le boss du désert. Avec mes viewers, on casse l'univers. Une pluie de balles, un festin de métal. Russe et brutal, mais on s'en régale. On danse, on chante, on spamme le chat. La fête continue, jamais on s'arrête. Les étoiles brillent, la nuit est claire. Dans ce chaos, on est tous partenaires. Le loot déborde, les armes chantent. Et chaque victoire est une danse. Je construis des tours avec des déchets. Un faux pas et tout est arrêté. Le vent murmure, les balles dansent. Dans cette île où règne la démence. Les dreadlocks volent, la foule acclame. Ryder Scale mène la danse infâme. Chaque plan foire, chaque piège claque. Mais on continue, on garde la plaque. Le vent souffle, la mer se calme. Les batailles cessent, c'est un nouveau drame. Les flammes s'éteignent, mais pas notre feu. Ryder Scale et sa team, toujours en jeu. On rit, on pleure, on rage, on vit. Dans Russ, chaque instant est une folie. Faut bouger, faut danser sous le soleil d'été. Paul Russ, c'est la fête, faut pas se louper. Toi, Ryder Scale au micro, les loups tombent en pluie. On fait la brinque jusqu'au bout de la nuit. Les flammes montent, les cris résonnent fort. C'est le chaos, mais on adore ce bordel dehors. Le chaos règne, le soleil brûle, la fête continue, même quand tout s'écroule. Les rires fusent, la nuit s'enflamme. Rust et reggae, le duo qui clame.